est-ce pour ma joie ou mon souci? Rien que deux mots, il faut m'entendre. Rien qu'un seul mot, mais le plus tendre. Non, non, justement, ce mot je voulais défendre. J'obéirai, je ne dirai rien. D'ailleurs, à quoi bon, vous m'entendez bien? Au lieu d'amour, parlons mariage. C'est différent, vraiment. Forcément. C'est beaucoup plus sage. Me marier, quel projet fou. Je n'aime que vous, je ne... Ou bien tout au moins dites-le tout bas, que moi-même je puisse croire que je n'attends pas votre aveu. Soyez gentil et désolé. Ce sacrifice méritoire, je suis fidèle. Attachons à vos pas. Non, non, que non pas. Je vous en prie. Nous serions vous embellir sans déplaisir. Non, vous me faites rougir. Vous êtes de la gaieté. Vous êtes de la gaieté. Mon plaisir ou non. Thank you. sa façon est une encombre très fort. Beaucoup plus fille que garçon, il aime le luxe et l'or. Il veut des bijoux précieux et de très grands chapeaux. Et vous lui ressemblez, messieurs, comme des frères jumeaux. Vos flatteries sont inutiles. Comme des garçons que vous prenez la ville. Si grâce à mes libations j'entremêle de fantaisie mes saintes occupations. Dès que 2 heures sont sonnées, je cours à la légation et m'y tue toute la journée jusqu'à 3 heures sans rémission. J'écris des lettres parfumées pour jurer éternellement à d'éphémères bien-aimées le grand amour d'un petit moment. Déjà 3 heures sont sonnées, vite ma canne et mon chapeau. Après une telle journée, il faut prendre un peu de repos. Alors chez de petites amies, je sépare tous les moyens. J'essaie jusqu'à 6h30 de devenir bien parisien. Toujours par dévouement pour mon gouvernement, je voltige à la ronde, de la brune à la blonde. Manon, lison, ciseau, fauchons-toi, non, Manon. C'est tout un demi-monde où jamais on ne dit non. Alors ayant servi toute la nuit mon pays, je m'endors l'âme contente dès l'heure que chante et rêve de choses folles, de femmes au cœur constant, de diplomates habiles et d'éternels l'espoir et l'attente, madame, ont mis nos cœurs à bout. En ce temps où le féminisme gronde, où la femme veut tous les droits, se peut-il que la plus belle, la plus blonde soit impuissante à faire un choix? Nommez les rides, nommez les stiaques, choisissez sans peur, sans crainte et sans trac. Je peux sonner avec éclat, un cœur d'or bas sous mon frac, et je suis la perle des candidats. À voter pour les lidas, non voter pour des stiaques, car je suis la perle des candidats. C'est beaucoup d'exigences, je n'ai pas l'âme d'un électeur. Oh, je sais bien qu'un homme en France, le député au petit bonheur, mais prendre un danseur, messieurs, est une cas beaucoup plus sérieux. Enfin, soit c'est dit, et puisqu'on le veut, allons à la grâce de Dieu. Prenez les rides, prenez des stiaques. Mais avant de faire un choix si délicat, souffrez que j'hésite entre vos mérites. Quel est vraiment ce soir le meilleur choix? Souffrez que j'hésite, je suis sans limite. C'est moi, c'est moi, ce soir le meilleur choix. ma foi, c'est la valse écoutée. Fait qu'on se meure sous la caresse de sa douceur, c'est la valse écoutée qui vous ordonne que votre âme s'abandonne au bras fort des beaux valseurs. Se brise, ainsi flotte et s'enroule et se ploie. Une écharpe de soie, écoutez ces accords qui s'effeuillent, c'est le chant du printemps dans les folles, le frisson défaillant et tremblant des roseaux. Quand la brise frémit sur les eaux. Il faut savoir courir pour la patrie. Madame, nous vous attendons. Madame, nous nous morfondons. Durement est impertinent. Intervenir est imminent. Choisir, ça m'impressionne. Voici le mien, je vous le donne. Encore moins, assez décourageant. S'il excelle, je l'ai dansé avec lui. Au Boston, il a des ailes, je l'ai dansé avec lui. Le kick-wap n'est pour lui qu'un jeu, je l'ai dansé avec lui. Il cotillonne comme un dieu, et sans doute même un peu mieux. C'est pour vous le céder que je l'ai gardé, et vous l'ai choisi avec tout mon cœur. Voulant donner le meilleur, par celle qui se trouve ici, à la seule qui soit digne de lui. Un coup d'œil sur Célina, un regard sur Prestillac, choisissez-moi pour vous soir. C'est madame, fort mérité. Allons, c'est dit, je l'ai trop fait attendre. Eh bien, dans messieurs, j'ai choisi les celles de vous qui n'ont rien dit. Offrez-moi votre bras. Moi, madame, je ne danse pas. Ou bien je ne vous tente pas. Erreur, erreur, la valse était la moi. Mais oui, pourquoi? Puisqu'elle est bien à moi, parbleu, j'en puis faire ce que je veux. Ce qui me plaît, c'est dit. C'est dit. Je m'en dis fait. Or, cette danse dont je vous remercie, madame, je la mets aux enchères. Sans Louise au profit des jeunes diplomates incompris de la Marsovie. Diable, ce sans lui, c'est un peu beaucoup. C'est pour rien, mon chéri, c'est vous. Sans lui d'un coup, il devient fou. Acheteur à sans lui, pressons-nous. Et voilà, il a réduit ses chers. Vouloir paraisser cependant beaucoup trop cher à présent. Après le flux, madame, regardez le reflux. Ils vous aiment de toute leur âme, mais pas pour un sou de plus. Non, non, non, cher ami, pardon. Sans lui, je trouve moi que c'est donné. Oh, vous l'aimez donc. Mais vous ordonniez. Vous mentez, venez. Et maintenant, temps qu'ils sont partis, fait le fil à voir de perdrix. Me voulez-vous, madame? Oh non, merci. Tant pourtant vous m'aviez choisi. Je ne veux plus, non, non. Non, c'est fini. Mystérieux. Ne s'enflamme, ne s'enflamme que par traitement différent. Ça dépend de son état d'âme et de son tempérament. Celle-ci féline comme une chatte, miaou, miaou, timimi. Vu que son fol amant la flatte comme ça, comme ceci. Celle-là préfère qu'on la batte et même elle vous dit merci. D'un coup de poing ou de savate comme ça, comme ceci. D'une veut des baisers pleins d'ivresse. L'autre de sa faute caresse qui lui font pousser des cris. Mais toute femme, ou maîtresse, qu'on soit laid comme lui, qu'on soit joli comme moi, on les prend avec des espèces. Comme ça, comme ceci. Depuis Geneviève, écoutant le serpent, séduisit cette bonne patador. L'homme ne sait jamais ce que drame, cœur de femme, femme, femme, femme, femme. Elle change du soir au matin, hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin, on n'y fera jamais rien, rien, rien. Oh les femmes, mort aux femmes, oh les femmes, mort aux femmes. Depuis qu'elle est coupante, c'est bon, c'est visi, c'est le bon matador. L'homme ne sait jamais ce que drame, comme le femme, femme, femme, femme, femme. Et le change du soir au matin, hier ne ressemble pas à demain. Moyen de comprendre le cœur féminin, on n'y fera jamais rien, rien, rien. Depuis qu'elle écoutant le cerveau, séduisit cette bonne patate. L'homme ne sait jamais ce que femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme. Elle change du soir au matin, hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin, on n'y fera jamais rien. Il paraît très indulgent, très bon. Ses murs se feront un devoir de ne rien dire et de ne rien voir. Il sera avec Micia, je deviens fou. Cela vraiment dépasse tout. Ma femme n'est pas ici. Me voici. J'en reste abruti. Tu me demandais, me voici. À Camille et Micia, tu ne dis que cela. Sachant une femme ici, j'ai souci de regarder par la serrure. C'est d'une petite nature. Et je l'entends, que son amour durera toujours. C'était bien vous. C'était moi. Jaloux. Oh, Micia, j'aurais juré que ce n'était pas vous. Camille, avouez, allez, dites-toi. Je sens la surendouillonnée de mon œil. Puisqu'elle ne peut nier, il faut se résoudre à la franchise. Eh bien, excellence, en deux mots, voici ce que madame je disais ici. Hors de la tige bourgeon vert, tout doucement s'est ouvert. Jour à jour, chaque aurore, le père le colore, la brise le satine, le nacre l'enlumine, et ses pétales frères par un autre temps de chair. Puis du cœur de la rose très experte, le principe de la porte ouverte. Le diplomate est attendri, car il n'a pas la tête forte, mais moins content est le mari qui voudrait bien fermer sa porte. Et nous suivrons la mode de Paris. Nous nous aimerons très peu d'après la mode de Paris. Et nous nous tromperons beaucoup. C'est la mode de Paris. Le bon mariage, tra-la-la-la-la-la. Le bon mariage, tra-la-la-la-la-la. On n'a pas d'excédent d'amour. On a l'air de Yeah! devient fou. Je voudrais m'expliquer calmement, très calmement. Pardon, mesdames, c'est une histoire de femme. Elle manque de beauté, mais non point de vérité. Souvent une vieille chanson peut nous donner une leçon. Je raconte. Jean-Pierre adorait Jeannette. En faut-il plus pour être heureux? Mais tous deux se taisaient à tue-tête, car un obstacle était entre eux. Jeannette était riche meunière, frais bonnet et joli moulin, tandis qu'on n'avait ce pauvre Pierre que son cœur. Sa chemise de lin. Ne voulant pas parler la première, et plutôt que de dire le mot qui aurait fait le bonheur de Pierre, elle épousa cet idiot de Jaco. Mon avis là-dessus, c'est le vôtre. Jeannette eut tort faisant cela. Bah, elle ne valait pas moins qu'une autre. Toutes les femmes en sont là. Mais heureusement, ce bon Pierre fut vite guéri. Il existe d'autres meunières et d'autres moulins à Paris. Quand il rencontre la coquette, il lui dit très allègrement: garde, Jaco, pauvre Jeannette, je garde mon cœur. Compliment. Vous nous quittez, pourquoi? Je vais où je suis chez moi. Je vais plein de gaieté voir votre santé parmi de bonnes filles dont le cœur s'éparpille. Manon, Lison, Ninon, six enfants, Chantoinon, voilà ma vraie famille, voilà ma vraie famille.